des frustrés, adapté de Clabrotéché par Christelle Wurmser. Un jour, mon prince viendra. Alors il me dit, si je te vois, tu penses bien que c'est pas pour te parler de ton âme, quand est-ce qu'on couche ensemble? J'étais embêtée, alors je lui dis, écoute, je suis embêtée, parce qu'en ce moment, j'ai pas le temps. Alors il me dit, bravo, un argument comme celui-là, fallait le trouver. Enfin, si je te vois, c'est pas non plus pour ton cerveau, alors quand est-ce qu'on couche? Alors, je lui dis, écoute, ça m'embête, parce qu'en ce moment, justement, je suis fidèle. Alors, il rigole, et il me dit, ah, vous êtes toutes pareilles, les femmes libérées, vous me faites mal, tiens. Quand il s'agit de faire des discours, ça va toujours, mais en fait, vous êtes encore plus coincées que vos grands-mères. Je vais te filer un tuyau, le lys dans la vallée, ça a un peu vieilli. On vous explique pas ça au MLF? Oh là là. Alors moi, je ne savais plus quoi lui dire. Hein. Alors je lui dis, de toute façon, je suis frigide. Alors il me dit, tiens, elles disent tout ça en ce moment, ça doit être le système défensif dernier cri. En tout cas, même si c'est vrai, c'est tout simplement que t'es mal baisée, ma pauvre chérie. Alors tu préfères rester toute ta vie dans cet état? Sans compter que tu ferais bien d'en profiter pendant qu'il y a encore de la demande, parce que je suppose que t'es au courant, mais dans 5-6 ans, c'est terminé pour toi. Connard! Alors je me suis dit, le plus simple, ce serait de lui dire la vérité, qui me plaît pas et que je peux pas le supporter. Mais je me suis dit, c'est pas possible de lui dire. Ce serait pas gentil. D'ailleurs, il me croirait pas. Ouais. Alors, j'ai plus rien dit. Mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Ah, puis j'ai oublié. 15. 15? Oui. Et toi? 54. Tu frimes un max. Parole de scout, et j'en oublie, hein, forcément. Non, mais tu comptes quoi au juste? Tout. Tu veux dire même les coups derrière les portes? Absolument. Ah, mais alors ça change tout. Attends, je recommence. Oh là, mais je suis tarée, moi. Mais c'est fou ce qu'on occulte. Il y a eu toute cette période. 56, 57. 14. 14? Attends, comment ça se fait? J'en trouvais 15 tout à l'heure. Bon, attends, je recommence. 58. Tu mens. Sur la tête de Jeanne. Je te crois pas. T'as compté les femmes? Ah, mais tu comptes les femmes? Bah, ça change tout, hein, 16 et demi. 16 et demi? Mais qu'est-ce que ça veut dire, 16 et demi? Il y en a une, je suis pas sûre. Mais t'es pas sûre de quoi? T'avais bu? Quelque chose comme ça. Et tes viols? T'as compté tes viols? Ah non, pas les viols, c'est grotesque. Geneviève? Bon, admettons, 17. 17? Avec les viols, ça fait 17. Mais t'en étais à 16 et demi? Ben oui, avec les viols, ça fait 17. Pourquoi? Est-ce que tu comptes les rêves aussi? Écoute, c'est pas compliqué. Moi, j'ai rien à moi. Tiens, par exemple, c'est fou ce que ça me simplifie la vie de plus avoir de bagnole. Ah ouais? Et alors, comment t'es venu jusqu'ici? Ah oui, mais c'est une voiture de fonction, elle est pas à moi, elle appartient à la boîte. Oh, ça tenait qu'à moi, je viendrai en taxi, tu parles. Moi, ça m'intéresse pas de posséder. Ah bon? Mais ton appartement de 200 mètres carrés avec vue sur la Seine... Oh, bah, il est pas à moi. L'immeuble est à ma mère, ou quelque chose comme ça, enfin, j'ai jamais très bien compris. D'ailleurs, j'y mets pas souvent les pieds. Ah, moi, tu sais, j'ai pas d'attache. J'y vais au jour le jour. Non, mais je t'assure, les gens dépensent beaucoup trop. Regarde, par exemple, moi je suis allé passer le week-end au Maroc. Eh ben, devine combien ça m'a coûté? Je sais pas. Non, mais dis un chiffre. J'en sais rien. 160 francs. Pas un rond de plus. Tu rigoles ou quoi? Rien qu'avec le billet d'avion et l'hôtel, tu peux pas t'en tirer à moins de... Ouais, mais tout ça c'était aux frais de la boîte. Je m'en suis pas occupé. Non, je dis que moi, en tout et pour tout, j'en ai eu pour 160 francs. On se demande ce que tu peux bien foutre de ton salaire. Écoute, on pourrait pas changer de sujet de conversation? C'est un peu déplaisant de parler tout le temps d'argent, non? Ah, salut Mine! Salut Nicole! Oh, dis donc! Tu sais qu'il m'a drôlement intéressé, hein, le livre que tu m'as prêté l'autre jour. Ah, ben oui, rigole pas, j'ai appris des tas de trucs. Non, t'as appris des tas de trucs? À quel sujet? Sur la masturbation, par exemple. Ah, sur la... À ton âge? Mais oui, je t'assure. En fait, j'avais pas réalisé à quel point il fallait avoir du temps devant soi. Alors, l'autre dimanche, j'ai envoyé Jean-Paul faire du vélo avec les enfants. La météo était pas géniale, mais ils se sont pas trop fait prier. Ils aiment bien, hein. Ils vont au bois, ils s'éclatent à pédaler comme des veaux. Moi, je déteste. Je préfère les laisser s'éclater entre eux. Sinon, je m'emmerde, ça leur gâche la sortie. Donc, ils sont partis, ouais. Et moi, ni une ni deux, je m'y suis mise. Mais sérieusement, tu vois, hein, pas à la va-vite, genre j'ai 5 minutes avant que le riz soit cuit. Et alors, ça a été... Oh wow, wow, wow, ça a été... Eh, bah, bravo, mamine. Mieux vaut tard que jamais. Alors, du coup, je me suis dit, c'est plus possible d'être prise sans arrêt par le temps comme ça, toujours à courir, à jamais se poser, tu vois. Presque, je me suis dit, il y en a marre. Mmh. À la limite, je veux rentrer à la maison. Si, si, je t'assure. Revenir un peu à l'essentiel, quoi. Alors, le dimanche suivant, ça n'a pas fait un pli. J'ai envoyé Jean-Paul au puce. Mmh. Tu penses, hein, il n'a pas demandé son reste. D'habitude, c'est lui qui me traîne. Tu parles si ça m'intéresse de traîner mes guêtres le dimanche après-midi dans les vieilleries des autres à la recherche de je sais quelle miniature qui lui rappelle son enfance. Et les enfants, je les ai expédiés au foot. Et alors? Et alors? Bah oui, et alors? Ah, alors rien. Rien? Rien. Ça veut dire quoi, rien? Rien. Nul. Je me suis complètement plantée. Ah, oh, mais c'est pas grave, ça. Ça veut rien dire. T'as pas essayé? Le dimanche d'après, c'était avant-hier. Et alors? Il n'a plus. Ah bah oui, c'est vrai. Remarque, ça m'a permis de réfléchir. Finalement, hier matin, j'ai donné ma réponse à la direction. J'ai accepté de passer chef de service. Ah, ouais. Mais il m'a bien intéressé, hein, ce bouquin. Les Frustrés, adapté de Clabrotéché par Christelle Wurmser, avec Éléonore Jonquet, Clotilde Morgiève, Carole Franck, Guylaine Londez, David Jesselson, Pierre-Benoît Varroclier, Marie Vincent, Isabelle Gélinas. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage et mixage, Claude Nior, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.